بسم الله الرحمن الرحيم. Une autre mas'ala, mas'alatu al-qay, et le vomissement, les sa'im. Est-ce que ça annule le siyam? Il y a un hadith fi hada, an Abi Huraira radiyallahu anhu, an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala man dhara'ahu al-qay fala qada 'alayhi wa man istaqa fa 'alayhi al-qada. Hadith, il est clair, an Abi Huraira, an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala, celui qui vomit involontairement, il n'a pas rattrapé. Son siyam est sahih. Et celui qui se fait vomir, il se fait vomir, فعليه القضاء, il doit rattraper son jour. قال وهذا الحديث أعله البخاري والترمذي والدارمي وأبو داود وأحمد. لكن ce hadith, certains imams des حفاظ, كالبخاري والإمام أحمد وأبو داود والدارمي والترمذي, ils ont démontré que ce hadith n'est pas sahih. قال البخاري لا أراه محفوظا وقال أبو داود سمعت أحمد ابن حنبل رحمه الله قال ليس من ذا شيء. أي الإمام أحمد يتخنى pas ce hadith comme pour lui il était pas authentique. وقال الخطابي يريد أن الحديث غير محفوظ, أي الإمام أحمد. وقال الدارمي زعم أهل البصرة أن هشاما وهم فيه. Donc ce hadith il est معلول, il y a une عله, il y a un défaut dans l'isnad. على كل حال القي, il y a deux cas, إما volontairement, إما involontairement. ثم il y aura un حكم par rapport à ces deux cas. الحالة الأولى أن يذرعه القي بغير قصد, il vomit involontairement. On revient toujours, avant de détailler, en général celui qui vomit, surtout involontairement, c'est qu'il est malade. Et s'il est affaibli, il a besoin de manger, il a besoin de prendre un médicament, il mange, il prend son médicament et il rattrape son jour, s'il est malade. هذا واضح. لكن نحن الآن, on va citer les masaïl sans rentrer dans la maladie, et le vomissement en lui-même, volontairement ou involontairement. فهذه الحالة نقل الإجماع على أنه لا يفطر, أي القي. Dans ce cas-là, si c'est involontairement, ça annule pas siyam bil ijma', il y a pas de khilaf. Ça annule pas siyam. Pourquoi? Parce que c'est involontaire. Vous vous rappelez du hadith d'Abi Huraira, celui qui mange ou qui boit et il oublie, son siyam il est sahih. Alors celui qui vomit et c'est pas volontaire, son siyam il est sahih. كذلك. Deuxième, on lit la parole d'Ibn Abd al-Barr, قال رحمه الله واختلف العلماء في من استقى بعد اجماعهم على ان من ذرعه القي فلا شيء عليه. فلا شيء عليه. نعم. Ibn Abd al-Barr, il rapporte le khilaf, celui qui se fait vomir, et volontairement. Amma involontairement, il vomit sans qasd, fahada, son siyam, il est sahih. Il n'y a pas de khilaf bayna ahl al-ilm. Al-halatu thaniya, deuxième cas, et c'est ce cas où il y a un khilaf, an yastaqi amdan, il se fait vomir, en faisant rentrer son doigt, matalan, et il se fait vomir. Wa hadhihi al-hal akhtalafa al-ulama fiha ala aqwal. Donc il y a plusieurs avis. Le premier qawl, يبطل صومه عليه القضاء. Premier قول أنه son siyam il n'est pas sahih et il doit rattraper un jour. Et c'est قول عامة أهل العلم. La plupart des savants, la grande majorité des savants, ils ont choisi ce قول. بل certains savants ils ont rapporté الإجماع كابن المنذر. لكن الصحيح c'est qu'il y a un خلاف. Cheikh Muqbil كذلك il a choisi cet avis. Pourquoi? لأن ils se sont basés sur le hadith. Vous vous rappelez du hadith, hadith Abi Huraira, man dara'ahu al-qay fala qada 'alayhi wa man istaqafa 'alayhi al-qada. Lakin on a vu que ce hadith certains huffaz a'allou. Amma Cheikh Muqbil il l'a sahih dans al-Jami' al-Sahih. Donc ce qawl il est fondé, il est basé sur le hadith. Kadhalik ils se sont basés sur un autre hadith, hadith Abi Darda wa Thawban radiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qa'a fa aftara. الحديث أخرجه أبو داود وصححه الإمامان الألباني والوادي. الحديث اللي صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى فومي فأفطر أي لا مانجي أي لا با كونتينيو أ جوني. لكن في الحقيقة سو حديث اللي با كلير, أي الاستدلال دون سيت مسألة سي با واضح, لأن قاء فأفطر سا فو با دير كي لا مانجي باسكو سي الفوميسمون كي لو أنولي الجون. لا, ça peut être comme قال أخ إما مالاد إما il a senti un affaiblissement, enfin il a mangé pas parce que son jeûne il est annulé, là parce que il sentait qu'il avait besoin de manger, il a arrêté. قال الإمام الطحاوي ليس في الحديث أن القيف فطر هذا الإمام الطحاوي démontre أن dans le hadith c'est pas clair أن النبي صلى الله عليه وسلم a mangé parce qu'il a annulé son jeûne avec le vomissement. لا. قال وإنما فيه أنه قاء فأفطر بعد ذلك وحكى الترمذي عن بعض أهل العلم أن المعنى قاء فضعف فأفطر. الإمام الترمذي rapporte certains savants ils ont expliqué أنه il a vomi vu que le vomissement ça provoque des faiblesses après khasatan as-sa'im, il y en a tout ce qu'il a mangé il le rejette donc il ressent la faim, il ressent de la faiblesse. Donc le Nabi sallam il a mangé par rapport à cela, pas par rapport à annahu son jeûne il a été annulé par rapport à as-siyam. Hada c'est un qawl tayyib. Donc ça c'est le qawl awwal. Fa fi al-haqiqa ils ont un hadith il est ma'loul, certains savants ils l'ont da'af ka al-Imam Bukhari l'Imam Ahmed, et ils ont un deuxième hadith il est pas clair fil mas'ala. Deuxième qawl عليه القضاء والكفارة. Et ça c'est un قول, il est pas صحيح. أنه il doit rattraper et le كفارة كذلك. قول il est pas صحيح. القول الثالث لا يفطر. Le troisième قول أنه ça annule pas الصيام. ولو si il s'est fait vomir volontairement. قال روى ذلك أو روي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم وهو قول عكرمة وربيعة ورواية عن مالك وهو الذي يجنح إليه البخاري. Donc, plusieurs savants, plusieurs imams, ils ont choisi ce qawl. Bien sûr, il y a une précision هنا. قال بعضهم إلا إذا رجع منه شيء إلى الجو فإنه يفطر بذلك. Sauf s'il vomit et il y a quelque chose qui pénètre dans sa gorge, dans son estomac. C'est comme s'il avait mangé. ففي هذا الحال, son jeûne il est annulé. لكن s'il vomit et il n'y a rien qui repénètre, ففي هذا الحال, عند هؤلاء الأئمة سأنل pas الصيام. Et il se base sur plusieurs choses. أولا أن la base c'est que le siyam est sahih. Donc celui qui prétend أنه سأنل il faut un délit. Et on a vu que le premier délit il est فيه ضعف et le deuxième il est pas واضح في المسألة. قال وذكر الحافظ أنه جاء عن ابن مسعود وأثر أبي هريرة أخرجه البخاري فقال وقال لي يحيى بن صالح حدثنا معاوية بن سلام حدثنا يحيى عن عمر بن الحكم ابن ثوبان سمع أبا هريرة رضي الله عنه إذا قاء فلا يفطر إنما يخرج ولا يليج ويذكر عن أبي هريرة أنه يفطر والأول أصح. نعم البخاري رحمه الله il a rapporté هذا عن أبي هريرة أنه il a deux قول et pour lui le plus authentique c'est le قول أنه ça annule pas الصيام. Pourquoi? Parce que c'est une chose qui sort du corps et ce qui annule الصيام في الحقيقة c'est ce que tu prends. إما أو إما بواسون إما ميديكامون. المهم أنه سأنول les choses qui rentrent. أما الآن vomissement c'est quelque chose que tu rejettes et ça c'est un قول طيب. الراجح والله أعلم c'est القول الثالث لأن il n'y a pas de دليل أنه سأنول الصيام. الأصل c'est البراءة والله أعلم et ça c'est une règle importante pour الصيام. الأصل la base c'est que le صيام il est صحيح du muslim tant qu'on n'a pas une preuve que son siyam il est annulé. Et vous avez remarqué que le khilaf il est qawi. Al-afdal c'est que l'insan il ne se fait pas vomir volontairement fi nahar al-siyam. S'il vomit volontairement, fala khilaf hada, son siyam il est sahih. Amma se faire vomir volontairement, ça va l'affaiblir et masala fi khilaf kabir. L'insan il évite. Et s'il est malade, il sent qu'il est malade et il a besoin de se faire vomir, il a besoin de manger. فكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قاء اي لا فومي اي افطر اي لا مانجي فالانسان لا يكلف نفسه الصيام سين عباده عظيمه اي الله سبحانه وتعالى nous a facilité celui qui est malade ou qui est en safar il a عذر فاي mange اي rattrape ان شاء الله il est على خير اما التشدد الغلو et se faire du mal هذا c'est pas طيب هذا ما يتعلق بالقيء.